sais qui je suis, je sais d'où je viens. J'oublie pas mes racines renois, car je viens d'être africain. Je sais qui je suis, je sais d'où je viens. J'oublie pas mes origines renois, car je viens d'être malien. Ah, allô? Ouais, allô? C'est qui? Ballester. Ouais. Ouais, c'est, putain, ouais, c'est Babalichou, crâne ah de ouais, chou, c'est chou pour les fachous, frère. Hey, hey, t'as vu, il est une heure, là, frère. Ouais. T'as vu, on a un rendez-vous, frère. Qu'est-ce que ah tu fais? Ouais, j'avais zappé, j'arrive. Mais non, gars. mais non, faut que j'aille pointer. Vas-y, viens direct, là. Attends, je vais pointer, j'arrive. De toute façon, moi, je suis déjà là-bas. On t'envoie? Vas-y. Tu vas me chercher? Non, moi, je suis déjà là-bas. Moi, je pars direct. Rejoins-moi là-bas direct. J'ai pas de permis, je te dis, je vais pointer, j'arrive. Vas-y, hey. J'ai du sale pour toi, poteau. Vas-y, mon frère. Claude Grimlins, j'ai du sale. Eh, hey, attends, deux minutes. Quoi? T'as vu ce que je veux dire? Reste pas dans le hood, hein. Vas-y, non, reste toi, pas dans le hood. La zone. Prends direct à tu revois, vas-y, viens direct, mon frère. Vas-y, j'arrive. Vas-y, mon frère. Du sale, gros. Non, mais arrête, vas-y, je te connais, Ballester. Allez, je te connais. Vas-y, fais un truc bien, fais un truc ça là, c'est bien. Ok, mon pote. Cicatrisé, j'arrive, vas-y, raccroche. J'atterris en 79 à Sanizou. 93-200 dans mon crâne, c'est Brooklyn Zoo. Trop puissant, je crache mon sang direct dans ton sang. Bon sang, tu touches l'air et ça, ils veulent t'aller bosser. Génération obligée d'aller les crosser. Rien à foutre des procès. Dur, oh, c'est dur d'avoir une vie d'ordure. J't'assure, faut que l'approche la torture. S'il y a de la pure dans les parades, c'est pas balayer de retour pour faire des fractures, c'est sûr. Si t'as l'écoute de mon son, ça vaudra le détour pendant ta cure. Taxi paré le rap c'est France et le Far West, bah ouais. Trop de pourriture, rien que je vois la vie en noir et blanc. Car ça sent la moisissure. C'est à l'époque pour ma délinquance en mode oui beau jointure. Cherche le bon coup en représentant les miens encore et encore en quatre coups durs. Certains naissent plein sur cette terre pendant que d'autres se tuent pour avoir de la nourriture. Tellement mes rimes puent la vérité, frère, ils veulent me censurer. Mais ils savent pas que bientôt ils auront du sang sur les mains. J'en place une pour mes frangines et mes frangins qui pensent à demain. Inch'Allah, avant que je parte ici, je pourrais prendre mes fils à demain. Ramène mon oseille. Regarde, je balance studio vite fait, je les ai pointé cru. Dès que je charge, je te chiffre. Si j'ai pas mon genre, je vais te faire du sale, fils de pute. Vas-y, tout à l'heure. Vas-y. Fais pas le toast. Allô. Ouais. Ouais. T'es où là, mon frère? Vas-y, j'arrive, prends pas la tête. Je suis à côté, là, 5 minutes, tu l'as, mon pote. Mon premier couplet, mon frère. Vas-y, j'étais en train de dire un petit peu de truc de speed. Je suis à côté, là. T'es sûr? 5 minutes. Ouais. T'es là. Ouais, je suis là, ouais. Vas-y, mon frère. Et si tu produis sans permis, on conduit des armes, des yébis. Des grammes, des bandits. Ennemis, bah pas les chauds. Et si tu produis sans permis, on conduit des armes, des yébis. Des grammes, des bandits. Ennemis, bah les stères. Deuxième couplet, OP, surtout va te les couper. L'équipe de France, ça fait longtemps que je les ai sapés. Pour le beau quartier, une toxon pour aller saper. OP, dopé, rapé, une canne B, bébé, on peut pour aller plomber. Moi j'ai pas de plan A, faut se garder le plan B. Des gueules, désolé, le jeu c'est JD, une gueule téléguidée. Je pense qu'à me les vider, vas-y, gâche des, c'est pas toi qui va m'aider. Okay. J'ai le jean plaqué, teuté, le faux teutré. Demande pas où j'étais, l'hiver transforme en été. Les MC, je les nuquais, les keufs font les vic maquets. Ok, loin d'être refait, je lève mon revêt. Refrait, dans la TSI, c'est pas nous Jorzé. Y'a des mecs suspects, des mecs sans pitié, ça fait de la cruauté, t'as voulu les ganter. Ça fait grimper le rinté, le taux de criminalité. Voler sur la canne BOP pour les rafaler. Do you boy, bitumeur record, c'est quoi les Ballester? Et si tu produis sans permis, on conduit des armes, des yébis. Des grammes, des bandits, ennemis, bah pas les chauds. Et si tu produis sans permis, on conduit des armes, des yébis. Des grammes, des bandits, ennemis, Ballester. Et si tu produis sans permis, on conduit des armes, des yébis. Des grammes, des bandits, ennemis, bah pas les chauds. Et si tu produis sans permis, on conduit des armes, des yébis. Des grammes, des bandits, ennemis, pas les stères.